Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur Radioactive, c'est l'heure du MAG. Et aujourd'hui, on vous emmène du côté de Possé-sur-Cisse pour mettre à l'honneur un rendez-vous incontournable de l'été, le marché des potiers, organisé par l'association Tout-Terre, les 5 et 6 juillet dans le magnifique parc du Château. Une manifestation artisanale, artistique et conviviale qui attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs et qui met en lumière la création céramique sous toutes ses formes. Alors nous avons le plaisir par téléphone d'échanger aujourd'hui avec Jean-Pierre et Daniel Meyer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc vous êtes pilier de cette aventure et vous allez pouvoir nous en dire plus sur à la fois l'origine du projet, même si on sait que vous l'avez rejoint maintenant il y a quelques années. Vous allez pouvoir nous parler des potiers présents, des animations et de l'esprit si particulier de ce week-end haut et en couleur. Alors Jean-Pierre, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est la 23e édition, comment il a évolué ce marché et depuis combien de temps vous en avez pris les rênes ? Alors, ce marché, il est devenu Tout-Terre depuis 14 ans et nous-mêmes, nous l'avons repris il y a 5 ans. Donc, c'est la 5e édition qu'on organise. Très bien. Et alors, quels sont les grands temps forts qui nous attendent justement pour cette 23e édition cette année ? Eh bien, comme chaque année, nous essayons de sélectionner un maximum de diversité et de qualité dans les productions des potiers qui viennent. Donc, il y en aura 40 qui viennent à peu près de toutes les régions de France, qui vont exposer leurs dernières créations. Donc il y a différentes techniques, on y reviendra tout à l'heure. Et aussi, ils vont participer à un concours qu'on organise sur le thème « Au bout de mes rêves ». Et chaque potier aura créé une pièce sur ce thème-là qu'il va exposer. Les visiteurs pourront voter pour la pièce qui leur plaît le mieux et celle qui aura remporté le maximum de votes. Il y aura un tirage au sort à la fin du marché vers 17h le dimanche. Et à ce moment-là, quelqu'un sera tiré au sort et gagnera la pièce. Donc en fait, il y a deux prix, il y a le prix de la mairie et le prix offert par Tout-Terre. D'accord. Un premier et un deuxième. C'est un beau moyen de renforcer... Alors, la pièce, c'est à peu près de 150 euros. D'accord. C'est un beau moyen de renforcer les liens avec le public, ça, ce concours. Ça permet d'attirer du monde, d'avoir des pièces qui sont faites exprès sur un thème, et non pas juste des pots et des saladiers. Donc ça motive les potiers pour être créatifs, donc des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc chaque année, on essaie de trouver un nouveau thème qui est à la fois suffisamment large pour leur permettre de s'exprimer et qui nous emmène dans le monde des rêves cette année. Et donc, quel type de potier et de création peut-on y découvrir cette année ? Alors cette année, comme les autres années, toutes les techniques seront représentées. Donc on va commencer par la partie basse température, donc les gens qui travaillent la faïence autour de 1000 degrés. Ensuite, en haute température, on va retrouver des gens qui font de la porcelaine ou du grès, donc émaillé généralement. Et puis, des cuissons un petit peu particulières qui sont les cuissons racoux ou les cuissons sigillés. Ah, moi ça j'aime beaucoup. Et là, ce sont des terres enfumées, émaillées comme dans le passé du temps des Romains. Ouais. Dans un temps un peu plus présent, comment on pratiquait ça dans le 17e ou 18e siècle au Japon et en Corée du Sud. Je vois bien de quoi vous parlez. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y aura des démonstrations de tournage et des ateliers de modelage, par exemple ? Tout à fait. Comme l'année dernière, nous aurons un tourneur qui vient tourner des très grandes pièces, des pièces qui font plusieurs kilos, voire plusieurs dizaines de kilos pour certaines. Ah oui. Donc ça, c'est le côté spectaculaire. Des fois, elles sont faites en un seul morceau. Des fois, elles sont faites en deux ou trois morceaux, qu'il va tourner et puis après assembler devant le public. Et puis, à côté de ça, on aura donc une animation pour les gens qui ont envie de faire du modelage, petits et grands. Il y aura une personne qui animera l'atelier et qui les guidera dans leur premier pas sur les petites pièces qu'ils peuvent réaliser. Et là encore, c'est un bon moyen de transmettre l'amour du métier que de permettre à des petites mains... Ça permet à la fois de toucher, de s'exprimer. Alors, Lisa avait une autre question à vous poser. Donc, à quel type de public s'adresse ce marché ? Est-ce que vous visez aussi les touristes de passage dans la région ? Tout à fait. On essaie d'attirer, c'est un peu pour ça qu'on a déplacé la date au mois de juillet, d'attirer les gens qui sont dans la région, les touristes, pour leur faire découvrir le métier d'art du feu. Et pour cela, donc, on met des banderoles, des affiches, on distribue des flyers, etc., un peu partout. Chaque année, on se rend compte qu'on a des Hollandais, des Anglais, des Allemands, des gens qui viennent visiter notre beau pays de Touraine et qui, le temps d'un week-end, en profitent pour découvrir également les artisans d'art et la céramique en particulier. Et alors, est-ce que vous avez une création ou une animation qui est coup de cœur pour vous? Oui. On a des boutiques qu'on aime beaucoup qui nous font plaisir de revenir, à qui généralement on achète quelque chose tellement on aime leur production, oui. Il y aura Marjolaine qui sera présente sur le marché, donc on adore ce qu'elle fait. Et vous-même, vous pratiquez? Tout à fait, oui. Mon épouse et moi, on fait de la céramique depuis une quinzaine d'années maintenant. Et on fait beaucoup de pièces quatre mains. D'accord. C'est une interaction entre elle et moi. Elle lance une idée, moi je réalise, ou vice-versa. On se motive l'un l'autre. Daniel fait plus de la sculpture et du raccoup, et moi je fais plus de tournage. Ah, d'accord. Et donc on aura le plaisir de voir vos créations également? Tout à fait, on sera présent sur le stand près de l'animation. Alors ces animations, évidemment, elles sont en entrée libre? L'entrée est sur le marché est libre et les gens peuvent venir regarder ou pratiquer de façon également. Très bien. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de buvette ou de petite restauration quand on viendra vous voir dans le parc du château de Bossé? Alors donc, l'association PASS va organiser des restaurations, buvettes, glaces, boissons évidemment. Et on aura également un stand de la société Como, où on pourra découvrir des livres concernant la céramique, des outils, et même partir avec des pommes de terre ou des petites choses pour travailler un peu chez soi. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait, si on est amateur, on peut venir s'initier et repartir avec un petit kit qui nous permettra de commencer à faire des choses. Oui, exactement, c'est possible. Ah, c'est épatant. Après, si vous voulez vous perfectionner, on est en partenariat avec l'atelier de l'art céramique de Tours, qui est un de nos partenaires qui supporte notre manifestation et qui sera un plaisir d'accueillir les gens locaux s'ils ont envie de s'initier au tournage ou au modelage. D'accord, très bien. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas précisée. On a précisé les 5 et 6 juillet, on a précisé le lieu, mais à quelle heure? Bonne question. l'ouverture du marché, c'est 9h-19h. 9h-19h, donc toute sans la journée. Sans interruption avec l'heure du repas, puisqu'il y a plein de gens qui viennent, ils restent manger, ils refont un tour l'après-midi. Voilà. C'est un petit moment de détente tranquille. On peut prendre son temps pour faire le tour. Et je vous garantis que c'est très très varié, bien qu'on utilise parce que tous les mêmes choses, on utilise tous de la terre et de l'émail. Mmh. Et franchement, la créativité est au rendez-vous. Bon, en tout cas, on sait que ce marché, il est bien ancré sur le territoire. Et puis, c'est vrai que ça représente, en termes d'économie locale et de valorisation du patrimoine, un moment fort. Tout à fait, tout à fait. C'est devenu un incontournable pour les gens de Poissy en particulier, mais aussi pour les gens de la région. Ben oui, on a forcément une pensée pour la famille Squarneck, qui s'est longtemps occupée de ce marché. C'est eux qui ont lancé le marché. Malheureusement, ils sont rattrapés un petit peu par l'âge et la maladie. Donc, on ne les voit plus beaucoup. Mais oui, c'est grâce à eux que ce marché a démarré. Est-ce qu'il y a des partenaires, M. Meyer, que vous souhaitez remercier? Ah, tout à fait. Nous remercions chaleureusement tous les partenaires qui soutiennent notre manifestation. En commençant par la ville de Poissy-sur-Stif, qui nous subventionne et donc nous attribue un prix de la mairie. Le département d'art d'Indre-et-Loire, les ateliers d'art de France qui nous soutiennent financièrement, la chambre des métiers de l'artisanat, et je l'ai déjà cité, les ateliers d'art céramique de Tours, et donc le Como qui vient à la fois vendre des petites fournitures, mais qui nous donne aussi la terre pour les démonstrations et l'atelier de modelage. Très bien. Eh bien, un grand merci à vous, Daniel et Jean-Pierre Meyer, pour cette passion et puis pour la disponibilité dont vous avez fait preuve pour répondre à nos questions. Un grand merci. Mais avec plaisir. Merci à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, ceux qui entendent cette émission, d'en parler autour d'eux et de faire venir tous leurs amis. Ça vaut vraiment le déplacement. Eh bien oui, parce que le marché des potiers de Poissy-sur-Cise, c'est les 5 et 6 juillet, dans le cadre bucolique du parc du château de 9h à 19h. Donc ce sera une occasion idéale pour flâner, découvrir la diversité de la céramique contemporaine et puis d'échanger avec des artisans passionnés. Parce que c'est vrai que quand on se balade sur un marché, alors des fois on se dit « j'ai envie de regarder, mais comme j'avais pas l'intention forcément d'acheter, on n'ose pas ». Alors que vous êtes d'accord, vous avez très envie de discuter avec le public. Ah, tout à fait. C'est aussi un moment où on sort de nos ateliers. On y reste très longtemps isolé et c'est un moment d'échange. Donc, oui, on est très content que les gens viennent, même s'ils n'achètent pas, qu'ils découvrent ce que c'est que la céramique. Et puis, s'ils peuvent repartir avec une œuvre unique sous le bras, c'est chouette aussi. Comme je leur dis toujours, c'est du made in chez moi, ce n'est pas du made in China. Eh bien, encore une fois, un grand merci à tous les deux. Là, on peut retrouver les infos où, par exemple ? Sur le site Tout-Terre. Sur le site Tout-Terre, tout simplement. Donc, T-O-U-T, plus loin, T-E-2-R-E. .com, oui. .com. Eh bien, merci encore. Bonne soirée à vous. À vous également. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce mag. On se retrouvera dès demain à 18h pour une nouvelle édition.